À l'occasion de la journée de la brillante étoile, l'histoire abrégée des activités révolutionnaires du général Kim Jong-il est présentée sur le site du nouveau parti communiste roumain, Idée du Tchouché.